France Musique. Come here. Venez. This is the bar. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Are you at all disappointed with this performance? Bonjour à tous et bonjour David Charles Abel. Bonjour Laurent. Alors vous êtes un chef d'orchestre, je le disais à Nathalie Piollet, chef d'orchestre américain. Vous avez beaucoup dirigé de comédies musicales. Vous avez été formé à Yale, à la Juilliard School. Vous avez étudié auprès de Leonard Bernstein. Vous avez dirigé des opéras, Madame Butterfly, La Bohème, Fidelio de Beethoven. Vous avez dirigé de nombreux orchestres, le London Symphonic, le Royal Philharmonic, le Philharmonique de Radio France. Mais votre passion, on peut le dire, c'est la comédie musicale. Vous en avez dirigé de Londres aux États-Unis en passant par Tokyo, Sweeney Todd au Théâtre du Châtelet et à l'English National Opera l'an dernier avec Emma Thompson, Carousel de Richard Rogers, Un violon sur le toit, Candide de Leonard Bernstein et même Les Misérables et Miss Saigon à Londres. Et dans 10 jours, vous serez aux commandes de la nouvelle production du Châtelet Kiss Me Kate, un classique de la comédie musicale signé Cole Porter. Vous êtes en pleine répétition? Oui, tout à fait. On vient d'aller au théâtre. Et hier soir, on a passé une soirée en bougeant les décors. Avec la musique parfois. Parce que jusque-là, vous étiez entre musiciens et puis les acteurs répétaient dans leur coin, c'est ça? Hier, c'était oui, la tout grande à fait. Réunion. On était au 104 dans le 19e pour répéter, mais on a déménagé au Châtelet hier soir. Tout le monde était ravi d'être là dans ce merveilleux théâtre. Alors, à l'occasion de Kiss Me Kate, surtout, vous avez travaillé 4 ans, David Charles, pour proposer une édition critique de la partition de Cole Porter. Et on va en profiter ce matin pour entrer avec vous dans les arcanes du travail méticuleux de chef d'orchestre et explorer ce travail très courant dans les musiques classiques ou l'opéra. Et extrêmement rare dans la comédie musicale. On va appeler ça la musicologie dans la comédie musicale. Another road thing, another show. In Philly, Boston or Baltimore. A chance for stage folks to say hello. Another opening of another show. Another job that you hoped at last will make your future forget your past. Another pain where the ulcers grow. Another opening of another show. 4 weeks you rehearse and rehearse. 3 weeks and it couldn't be worse. 1 week will it ever be right? Then out of the hat is that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's curtain time and away we go. Another opening of another show. Another opening, another show. In Philly, Boston, or Baltimore. A chance for stage folks to say hello. Another opening of another show. Another job that you hope at last will make your future forget your past. Another pain where the ulcers grow. Another opening of another show. 4 weeks you rehearse and rehearse. 3 weeks and it couldn't be worse. But it will never be right. Then out of the hat is that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's turn from time and away we go. Another opening. Another opening, another show, c'est la toute première chanson dans Kiss Me Kate, la comédie musicale de Cole Porter, son plus grand succès en 1948. Alors là, David Charles Abel, vous avez édité, travaillé sur cette édition critique de Kiss Me Kate pendant 4 ans. Vous avez donc écouté tous les enregistrements, je oui, pense, de Kiss oui, Me oui, Kate. Absolument. Alors là, que pensez-vous de cet enregistrement original? Ça, c'est les orchestrations originales du spectacle. Oui, c'est les orchestrations originales. C'est merveilleux cet enregistrement. On l'a utilisé comme une source pour l'édition, parce que c'est très important. Et l'enregistrement vous dit des choses qu'on ne peut pas exactement trouver dans les partitions seulement. Et on a inclus ça comme source. Et ce qui est intéressant chez cet enregistrement, c'est que la voix qu'on a entendue est une voix de femme. Et elle s'appelait Annabelle Hill. Elle jouait le rôle de Hattie. Et on a trouvé un article dans un journal new-yorkais. Lady Baritone Annabelle Hill, parce que sa voix est tellement basse et son doublure était un homme dans la troupe. D'accord. Mais en fait, ce que vous m'expliquez, c'est que parfois, ce rôle-là est interprété par une voix un peu plus élevée, c'est ça? Oui, parce qu'après un an et demi, Annabelle Hill est partie et une autre femme est venue. Elle n'était pas baryton. Alors, ils étaient obligés de faire une autre orchestration de la chanson. Et aussi pour une tournée, il y a une troisième orchestration dans une tonalité différente. Et dans l'édition critique, on a mis tous les trois. Et on a choisi une tonalité pour Jasmine Roy, qui joue le rôle pour nous un peu plus haut que celle-là. Alors, Kiss Me Kate, c'est une farce signée Cole Porter. Je disais que c'est son plus grand spectacle à Broadway. C'est celui qui est resté le plus longtemps à l'affiche, plus de 1000 représentations à partir de 48. Et en gros, c'est une pièce dans une pièce de théâtre. La base, c'est la pièce de Shakespeare, La Mégère apprivoisée. Et en fait, on trouve à la fois sur scène des extraits de cette pièce de théâtre dans la langue de Shakespeare. Et puis aussi, surtout, deux acteurs divorcés qui interprètent les acteurs principaux. Et évidemment, les sentiments qu'ils ont hors de scène, ont des répercussions lorsqu'ils sont en train de jouer du Shakespeare. C'est hilarant, c'est très fin. C'est votre travail, premier travail sur une comédie musicale de Cole Porter, David Charles Abel? Non, j'ai fait Anything Goes à l'université et ça m'a beaucoup plu. Et aussi, Cole Porter est allé à la même université que moi, Yale. Et il a matriculé en 1913. Moi, j'ai matriculé un peu plus après ça. Mais la tradition de Cole Porter était vivante là et j'ai découvert beaucoup de ses chansons là, à Yale. Alors, vous avez travaillé sur beaucoup de compositeurs de comédies musicales. Quelle est la particularité de la musique de Porter? Il a écrit les paroles et les mélodies, tous les deux, comme Sondheim. Et c'est assez rare chez les compositeurs de comédies musicales. Et il y a une unité de tous les deux qui est très frappante. Aussi, il était ahead of his time, on peut dire. C'est-à-dire, en avance sur son temps? Oui. Parce que, je vous raconte une petite histoire. Quand sa mère est venue voir Kiss Me Kate, la première, la presse lui a demandé après, mais Mrs. Porter, qu'est-ce que vous pensez du travail de votre fils? Et elle a dit, My son Cole is a very naughty boy. Mon fils Cole est très malin. Il est un très mauvais garçon. Mauvais garçon, parce que les lyrics sont un peu risqués, on peut le dire. Et les dirty jokes sont très au courant chez Cole Porter. Il a fait les dirty jokes mieux que personne d'autre. Et d'ailleurs, dans votre édition critique, on découvre aussi que ce que vous appelez les dirty jokes, les paroles, ont parfois été changées selon les productions pour évidemment soit que les Anglais comprennent les blagues de Cole Porter, soit pour adoucir un petit peu. Quand le spectacle est allé à Londres, ils ont changé les paroles pour que les Anglais comprennent. Oui. Alors vous avez travaillé durant 4 ans sur une édition critique de Kiss Me Kate. On va rentrer dans les arcanes de votre travail en écoutant un premier morceau dont vous avez trouvé des variantes. Mais pour le moment, voici l'enregistrement par l'orchestre London Sinfonietta, dirigé par John McGlynn, d'une chanson très connue, Too Darn Hot. Darn hot, it's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight and play the pup with my baby tonight. Bow wow. I'd like to sup with my baby tonight and play the pup with my baby tonight, but I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to stop for my baby tonight and blow my top with my baby tonight. I'd like to stop for my baby tonight and blow my top with my baby tonight, but I'd be a flop with my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to fool with my baby tonight, yeah. Break every rule with my baby tonight. I'd like to fool with my baby tonight, break every rule with my baby tonight, but pillow, you'll be my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Adam, for his madam, is not. Cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to call hello on my baby tonight. Ooh. And give my all to my baby tonight. Yeah. Ooh. I'd like to call on my baby tonight and give my all to my baby tonight. But I can't play ball with my baby tonight because it's too darn hot. It's too darn hot. Oh. It's too darn hot. Oh, I'd like to meet with my baby tonight. Get off my feet with my baby tonight. I'd like to meet with my baby tonight. Get off my feet with my baby tonight. But no repeat with my baby tonight, cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo to my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo to my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you bite my baby tonight cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squab, a marine for his queen, oh, a G.I. for his cutie pie is not. Cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. Too Darn Hot, dans la extrait de Kiss Me Kate de Cole Porter, enregistré par John McLean et l'orchestre London Sinfonietta. David Charles Abel, vous serez dans la fosse, vous serez le chef d'orchestre au Théâtre du Châtelet pour les représentations de Kiss Me Kate qui commence le 3 février. On va pas entendre exactement ça, alors expliquez-nous ce qu'on va entendre comme version de cette chanson. On a trouvé une passage de 16 mesures pour 5 saxophones ensemble que John McGlynn n'avait pas à cette époque-là quand il a enregistré cet enregistrement. Et on l'a restauré dans la partition. Et c'est merveilleux, c'est du swing, c'est l'apothéose du swing, ça. 5 saxophones qui jouent en harmonie et on aura ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on a trouvé? C'est-à-dire que lui n'avait perdu, pas. C'était perdu. On a entendu sur l'enregistrement original de la comédie musicale de 48, mais après ça, c'était perdu. Et les partitions qu'on reçoit à cette époque-là des éditeurs n'avaient pas ce passage. Alors on l'écoute, ce passage de 16 mesures qu'on découvrira au Châtelet. C'est la même chanson, c'est la fin de Too Darn Hot. On les a entendus, ces 16 mesures de saxophone qui swing. Qu'est-ce que ça veut dire faire, travailler durant 4 ans sur une édition critique de Kiss Me Kate de Cole Porter? C'est une œuvre tellement récente. Oui, la plupart des œuvres, des grandes œuvres de la musique classique européenne sont déjà éditées dans les bonnes éditions. Et comme chef d'orchestre, on peut les prendre, on peut les faire comme ça. Mais chez les comédies musicales, c'est un désastre. Et j'étais invité à faire Kiss Me Kate, à diriger Kiss Me Kate à l'opéra de Glimmerglass en 2008. Et il n'y avait pas de partition d'orchestre. Ça n'existe pas. Et je me suis dit, il faut que je trouve une partition d'orchestre. Et j'ai demandé partout, la Library of Congress, la New York Public Library, l'Université de Yale, personne ne l'avait. Et à la fin, j'étais dirigé à un bureau d'avocats en Manhattan. Et c'était les avocats de l'État, de l'estate. Ceux qui possèdent les droits de... Oui, les héritiers de Cole Porter. De Cole Porter. Ils ont dit, mais il y a de la musique ici, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Vous pouvez venir le regarder. Et je suis allé et j'ai vu des pages jaunes écrites en encre. Et c'était la plupart de la partition par les deux orchestrateurs, Robert Russell Bennett et Don Walker, en encre, parce qu'ils travaillent en encre, les originaux. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, on pourrait faire une édition critique, une édition définitive de cette œuvre. Et il n'existait avant ça seulement une édition critique d'un spectacle à Broadway, de Kurt Weill, très obscur. Et j'ai parlé aux héritiers et je leur ai dit, faisons ça. Et ils l'ont fait. Mais ça veut dire, parce que Kiss Me Kate a été joué de très nombreuses fois à Broadway, il y a beaucoup d'enregistrements. Alors à chaque fois, ils partent de quoi, ces directeurs musicaux? Les nouvelles productions à Broadway, en général, sont réorchestrées. C'est-à-dire, ils jettent les orchestrations originales, tout à fait. Et ils font des nouvelles. Et ça dépend parfois des chorégraphes qui veulent leur propre arrangement pour la danse. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'original. C'est ce qui était imaginé par les créateurs originaux. Et c'est pour ça que je trouve toujours de trouver les orchestrations de l'époque originale. Alors on va écouter une autre version du coup de Kiss Me Kate. Et si je comprends bien, elle n'est pas originale. C'est la version de Kiss Me Kate qui a été donnée à Broadway dans les années 2000 avec Brian Stokes Mitchell et Marin Mazzi. Et une chanson qui s'intitule Bianca. For your Bianca. Package for Miss Lois Lane. For your Bianca. Package for Miss Lois Lane. Package for Miss Lois Lane. Package for Miss Lois Lane. Bianca. Sweet Bianca. While rehearsing with Bianca, she's the darling I adore. Off stage I've found, she's been around, but I still love her more and more. So I've written her a love song, though I'm just an amateur. I'll sing it through for all of you to see if it's worthy of her. Are you listening? I have my attention. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Oh, baby, will you be mine? Bianca. Bianca. Oh, Bianca. You'd better answer yes or Papa Spanka. To win you, Bianca. There's nothing I would not do. I would swim from here to far Casablanca. I love that movie. Sweet Bianca, Bianca for you. Answering yes, cause if you don't, the papa's gonna wanna give us Bianca. To win you, to win you, Bianca, Bianca, there's nothing he would not do. I would gladly give up coffee for Sanka. Ba ba ba boo. Even Sanka, Bianca, for you. Bianca, à Broadway, extrait de Kiss Me Kate, version 2000. Et effectivement, quand je regarde le livret, ce ne sont pas les orchestrations originales, ce sont des orchestrations signées Don Sebesky. Alors vous qui connaissez David Charles Abel, tous les enregistrements de Kiss Me Kate, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Les orchestrations sont très bonnes, et Don Sebesky est un orchestrateur merveilleux, mais ce n'est pas les orchestrations de l'époque, 1948, quand la pièce était écrite. Et aussi, c'est un orchestre plus petit. Et à Broadway, maintenant, en ces jours, les producteurs ne sont plus capables d'engager les grands orchestres comme avant. Kiss Me Kate, à l'origine, aurait 28 musiciens. Mm-hmm. Nous, au Châtelet, on aura à peu près 40 parce qu'on a amplifié les cordes un peu. Et c'est merveilleux ce qu'on fait là-bas au Châtelet. Jean-Luc Chopin, il insiste toujours sur les valeurs musicaux. Et alors, maintenant, où est-ce qu'on peut faire Kiss Me Kate à l'original? À Broadway, jamais plus. Mais au Châtelet, oui. Et en plus, au Châtelet, on va découvrir quelque chose de nouveau pour cette chanson Bianca. Expliquez-nous, alors c'est pareil, on a un petit enregistrement. C'est un numéro de claquette. Oui, pour la production à Londres, dans 1951, la première production de Kiss Me Kate à Londres, c'était le même metteur en scène, c'était le même spectacle à Broadway, sauf qu'ils ont engagé un danseur de claquettes pour le rôle de Bill. Mm-hmm. Et alors, la dance arranger, Geneviève Pitot, a écrit une routine de claquettes pour lui. On l'écoute. I would gladly give up coffee white for Shaka. Even Shaka, Bianca, for you. John Wilson Orchestra au BBC Proms avec Kiss Me Kate, basé, c'était l'an dernier, sur votre édition critique avec donc les orchestrations d'origine qu'on va retrouver au Châtelet. Oui, tout à fait, tout à fait. On entend, c'est beaucoup plus épais hein, comme son que par rapport à... Oui, tout à fait, c'est une grande salle à Londres. J'étais là et c'était absolument fantastique. Et pourquoi vous le réintégrez alors ce numéro de claquette dans... Puisque parce que il n'était pas à Broadway, donc il n'est pas dans la version originale de Broadway, non, ce numéro mais de claquette dans Bianca. On a un appendice dans l'édition critique qui contient ces claquettes. Et comme ici, on a engagé un très fantastique danseur de claquettes, Alan Burkett, qui est absolument étonnant. Vous verrez si vous viendrez au Châtelet. On a inclus ces claquettes et même l'élargi un peu. Ce qu'il faut savoir, il faut se souvenir à propos des éditions critiques, des comédies musicales, c'est que l'édition, c'est seulement le départ pour une production. On ne peut pas mettre la musique au pupitre comme ça et jouer. C'est pas comme ça que les comédies musicales fonctionnent. Il faut imaginer qu'un metteur en scène et un chorégraphe et un directeur musical travaillent ensemble pour imaginer la production. Mais je vous promets que chaque note sont dans l'édition. Et parfois, on utilise la musique pour des choses différentes, pour les changements de décor ou quelque chose comme ça. On imagine, on a besoin de plus de temps pour bouger la scène. Il faut être flexible. Alors, il y a quelque chose qu'on va découvrir au Châtelet, que vous allez nous faire découvrir. Alors, je crois qu'on peut dire avant tout le monde, ce matin, sur France Musique. C'est un enregistrement qui a été fait cette semaine au Théâtre du Châtelet. C'est un ballet qui s'appelle Harlequin Ballerina, qui a été créé... pour Kiss Me Kate, qui a été supprimé en cours de route. que vous avez réintégré dans la version qu'on verra au Châtelet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce ballet, oui, un peu étrange d'ailleurs dans... Oui, c'est très étrange. Dans la texture. Oui, c'est un peu stravinskien, il faut le dire. Et on a... mes collègues à Thames Whitmark, l'éditeur de Kiss Me Kate, m'ont dit, mais il y a ce ballet, c'est bizarre. Et on a trouvé les partitions et... c'était évident qu'ils l'ont joué à Philadelphie pendant la période des previews. Chaque comédie musicale à Broadway à l'époque avait 2 ou 3 ou 4 semaines hors de New York pour perfectionner le spectacle. Et ils étaient à Philadelphie pour Kiss Me Kate. Et pendant cette période-là, ils avaient besoin de quelques minutes pour changer le décor. Et l'arrangeur de la danse, Jennifer Pitot, a écrit... un ballet basé sur We Open in Venice, in Next Play, Verona, qui est un des plus chansons, des plus simples chansons que Paul Cole Porter a écrit. Mais elle a fait quelque chose de très intéressant dans 5-8 et 7-8. Et c'était pour un petit scénario de Harlequin et de Commedia dell'arte. Mm-hmm. Il y avait une danse avec. Nous, on utilise ça pour autre chose. Mais pourquoi pas? Alors on l'écoute, qui n'a jamais été entendu, jamais été enregistré jusqu'à présent, cet extrait de Kiss Me Kate, Harlequin Ballerina. Harlequin Ballerina, sous la direction de David Charles Abel avec l'Orchestre de Chambre de Paris, tel que vous l'entendrez si vous allez à Kiss Me Kate, voir Kiss Me Kate au Théâtre du Châtelet à partir du 3 février. David Charles Abel, pourquoi ils l'ont supprimé, ce très beau morceau, finalement, quand ils sont arrivés à Broadway? Oh, c'est tellement différent du reste de la partition. Et peut-être, on ne sait pas exactement pourquoi ils l'ont supprimé, mais on a vu les partitions qui étaient utilisées pour quelques jours et puis fini. Mais ce qui est intéressant, que Stravinsky était à Broadway à cette époque-là. Il a écrit un ballet pour une comédie musicale ou une revue qui s'appelait The Seven Lively Arts. Et alors, c'est pas, quand on pense comme ça, c'est pas tellement bizarre qu'on pourrait imaginer un ballet comme ça dans Kiss Me Kate. Et ce qui est très intéressant aussi en entendant ce morceau-là, c'est que, voilà, en fait, comme vous le disiez, une comédie musicale, c'est écrit par plusieurs mains. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout Cole Porter qui a mis sa main dans cette musique de ballet. Il y a une dame qui s'appelle Geneviève Pitot, c'est elle qui a composé toutes les partitions pour la danse, c'est ça? Oui, toujours basé sur les mélodies de, mm-hmm. de Cole Porter. Mais le rôle du dance arranger est toujours de rester dans une salle avec le chorégraphe mm-hmm. pendant des jours, des semaines pendant les répétitions, en imaginant la musique pour la danse. Alors le chorégraphe disait peut-être, on a besoin d'un hit de bass drum, de grosse caisse ici pour un dansant qui tombe. Et l'arrangeur met quelque chose dans la musique. Et il y a encore un autre personnage très important dans une comédie musicale, c'est l'orchestrateur. On va écouter deux orchestrations de la même chanson. Strange dear, but true dear, when I'm close to you. Elle s'appelle Alexandra Zilber. Elle interprète Kate, l'héroïne principale de Kiss Me Kate. Et alors là, c'est un arrangement qui est signé Robert Russell Bennett. On va entendre une deuxième façon dont la chanson est orchestrée. C'est dans la deuxième partie du spectacle. Et cette fois-ci, c'est son amoureux. En fait, c'est une chanson d'amour, hein, cette chanson-là. Son amoureux, son ex-fiancé avec qui elle se bat, mais qui est à nouveau des sentiments pour elle. On va voir que l'orchestration est très différente. Pourquoi deux orchestrateurs pour Kiss Me Kate et pourquoi des orchestrateurs à Broadway d'ailleurs? Le Cole Porter ne peut pas le faire tout seul? En général, les compositeurs de Broadway ne sont pas formés dans l'orchestration. Cole Porter n'était pas formé. Il était songwriter. Et il fallait un spécialiste. C'est toujours comme ça à Broadway. Et aussi, c'est une question de temps, parce que les comédies musicales, les orchestrations, on ne peut pas commencer à orchestrer, sauf que au troisième semaine de répétition, parce que les tonalités ne sont pas précisées, les arrangements de danse, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas faits seulement au troisième semaine. Et puis, on a à peu près 3 semaines après ça pour tout faire. Et il y a presque pas de comédie musicale qui est orchestrée par une seule personne. Robert Russell Bennett a fait à peu près 65-70% de la partition, mais il avait besoin d'un ghost, on disait un fantôme, pour faire le reste. Et ce fantôme était Don Walker, qui était l'autre grand orchestrateur à l'époque à Broadway, un peu plus jeune que Bennett. Bennett aussi, il a étudié ici à Paris avec Nadia Boulanger. C'était un compositeur aussi, et c'était un très très grand musicien qui savait jouer la plupart des instruments dans l'orchestre. Alors, comment on pourrait décrire les différences entre les deux orchestrations de la même chanson qu'on vient d'entendre? Là, ce qu'on vient d'entendre, il y avait beaucoup de flûtes. Oui, c'était très... des flûtes, et il y avait un violon solo. Mm-hmm. Et dans le deuxième acte, c'était dans une tonalité un demi-ton plus bas pour l'homme. Et c'est plus sombre, je dirais. Et les couleurs sont plus sombres. C'est plus triste. Le style est différent de Walker. Peut-être vous entendrez. Stars fill the sky, so in love with you am I. C'est extrait d'un album que vous avez dirigé, David Charles Abel, Simon Kinleyside, qui interprète pas mal de chansons de Broadway, dont ce So In Love, dans l'orchestration originale d'après l'édition critique. C'est vous qui m'avez suggéré de faire entendre deux fois So In Love dans des orchestrations différentes. Pourquoi qu'est-ce qui vous intéressait dans On ne sait pas pourquoi Bennett a donné la chanson dans le deuxième acte à Walker. Mais je crois que c'était une bonne choix parce qu'il a fait quelque chose de différent. C'est plus palpitant, c'est plus sombre. Il y a les crescendos dans les cordes qui donnent une atmosphère plus dramatique et plus triste. Et à la fin, on a les accords du celesta et des cordes tremolo qui rappellent un peu Rosencavalier et l'idée, la tristesse de cette situation-là. David Charles Abel, merci d'être ce matin en direct sur France Musique sur la 42e rue. Vous avez étudié, vous êtes américain, vous avez étudié à Yale, vous l'avez dit, vous avez étudié à Juilliard, la direction d'orchestre. Vous avez étudié auprès de Leonard Bernstein et de Nadia Boulanger à Fontainebleau. Vous avez dirigé des opéras classiques de Rossini, de Bizet, de Puccini, mais donc aussi des comédies musicales, des Misérables à Sweeney Todd, de Stephen Sondheim, de On the Town, c'était au Châtelet, à Love Never Dies, une création de Andrew Lloyd Webber, avec un orchestre fourni à l'époque, 21 musiciens à Londres. Comment il est venu ce goût pour la comédie musicale? Je crois pour chaque musicien américain, il y a le goût, parce qu'on est formé là-dedans. Moi, j'étais formé à la fois classique et populaire. J'ai commencé à chanter dans un chœur dans mon église à l'âge de 8 ans. J'ai joué la trompette et puis l'alto après et le piano et l'orgue un peu. Mais à la même fois, j'ai fait les comédies musicales. J'aimais être sur scène et danser un peu et on a fait tous les deux. Et maintenant, avec cette édition, avec le travail que je fais, J'ai combiné un peu les deux et je veux que la comédie musicale soit considérée comme la musique classique de nos jours ou du 20e siècle. Vous dites que la comédie musicale, c'est la nouvelle frontière de la... Vous allez loin. Hein. La comédie musicale et les musiques d'Hollywood sont les nouvelles frontières de la musicologie. C'est absolument vrai. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les éditions correctes de la musique classique européenne sont déjà faites. Mais pour la comédie musicale et pour la musique de Hollywood, des films, c'est pas encore disponible pour, si on veut, avec un orchestre, jouer les chansons de comédie musicale ou les extraits du film. C'est très difficile de trouver de bonnes éditions. J'ai une petite madeleine pour vous. Vous voulez bien? Un petit? Une petite madeleine. Une madeleine de Proust. Merci, oui, j'ai faim. Écoutez. A most exclusive dress from Gay Paris. It's sleek and chic and magnifique with sex beyond endurance. It's me, it's me, it's absolutely me. And one guy, this irresistible Paris original. This irresistible Paris originals all paid for and mine. I must look divine, especially for him. Suddenly he will see me, and suddenly he'll go dreamy, and blame it all on his own. This irresistible Paris original, so temptingly tight, I'm wearing tonight, especially for him, for him. This irresistible Paris original. Wearing tonight, and I could spit. irresponsible dress manufacturer, just in plain fair. I'm one of a pair, and I could. Oh no. Paris original, Trey sexy Nespa. God damn it, voila! And I could spit. Oh no! What more? Good Lord! You made her. She. Oh. Good evening, ladies. Some laugh. This irresistible Paris original, this mass-produced crime, I'm wearing tonight for the very last time. Et Mathieu Tourin, notre chef technique derrière la cabine, a été parfait. Il vous a apporté une madeleine, David Charles Abel. Une madeleine, un souvenir. Pourquoi c'est un... Elle était délicieuse. Merci beaucoup. Qu'est-ce que... C'est à cause de cette chanson que vous êtes venu à Paris ou quoi? Paris Original. Peut-être. Qui sait? Qui sait? Non, j'étais... quand j'étais très, très jeune, mes parents habitaient à New York parce que mon père était dans Law School, là, à Columbia. Et mon père est une école allé... de droit, oui. Université oui, de droit. Mon père, ils sont tous les deux allés voir le spectacle du jour, How to Succeed in Business Without Really Trying. Et c'est une histoire de business, une farce. Et ils ont acheté l'album, le record à cette époque-là. Et moi, je suis devenu obsédé par cet album. Je l'ai entendu encore et encore et encore. Et j'ai mémorisé le tout et je l'adore. C'est une très bonne comédie musicale. Elle a gagné le prix Pulitzer à l'époque. Vous voulez dire que vous ne l'aviez pas vu, vous connaissiez. Sans l'avoir vu, vous adoriez les chansons. Sans l'avoir vu, j'ai imaginé dans ma tête. Alors, il y en a un autre qui a été important dans votre carrière, David Charles Abel. Il y a Leonard Bernstein, mais je crois qu'on peut dire aussi Stephen Sondheim. Vous avez dirigé au Châtelet beaucoup de productions de Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, Sweeney Todd. Vous avez dirigé Pacific Overture au Japon. Vous avez dirigé Sweeney Todd l'an dernier avec Emma Thompson à l'English National Opera à Londres. Qu'est-ce qui vous intéresse chez ce compositeur, chez cet auteur-compositeur? Il y a beaucoup à s'intéresser chez Sondheim. C'est le plus grand compositeur des comédies musicales vivants. Et il était formé par Oscar Hammerstein, qui était le lyriciste de Richard Rodgers. Alors, Rodgers et Hammerstein ont écrit les plus grandes comédies musicales américaines. South Pacific, Carousel, Oklahoma... and the Sound of Music and The King and I. Et Jean-Luc Chopin au Châtelet a produit presque tout, je crois. Et Sondheim est formé par Hammerstein et il est devenu la plus grande génie. Il écrit les paroles et les mélodies et il imagine aussi les situations et c'est un philosophe aussi. Et c'est ça qui m'intéresse. Et aussi la qualité de la musique. Lui, il est formé classique aussi. En même temps, son compositeur préféré est Ravel. Et quand il est venu ici à Paris pour Sweeney Todd, il est allé à la maison de Ravel pour voir le piano, pour jouer le piano de Ravel et pour avoir l'expérience. Pas besoin d'édition critique des œuvres de Stephen Sondheim, là, pour le coup. Tout est fait, tout est... Ils sont, la plupart sont faits. Et moi, j'ai aidé un peu avec Sweeney Todd. J'ai trouvé des douzaines, des centaines de fautes dans la partition et je l'ai communiqué aux éditeurs. Des fautes? Oui. Que vous appelez des fautes? Oui, des fautes, des erreurs. Dans les des fausses partitions. Notes, hein? Des fausses notes, oui. Oui, ils existent partout chez les comédies musicales. Il faut les trouver, il faut les corriger, à mon avis. Alors, vous vouliez qu'on entende non pas un extrait d'une production du Châtelet, ça m'a surpris, mais une production, un anniversaire que vous avez organisé pour Stephen Sondheim. Pour ses 80 ans, c'était au BBC Proms. Pourquoi ce choix ? J'ai proposé au Proms de faire ça. Ils n'avaient jamais fait une telle chose. Mais je leur ai dit, Sondheim est un compositeur qui doit être dans la compagnie de Mozart et de Beethoven. Et il doit être parmi les grands compositeurs. Et vous devrez faire son anniversaire, son 80e anniversaire. Vous voulez dire que c'était compliqué de les convaincre, hein? Pas tellement. J'étais surpris, mais ils m'ont dit, oui, faites ce que vous voulez. Design. Tension. Balance. il y a 5 ans au BBC Proms. C'est vous, David Charles Abel, qui dirigiez ce concert pour les 80 ans de Stephen Sondheim et cette chanson Sunday, extraite de la comédie musicale Sunday in the Park with George. Vous avez aussi, David Charles, longtemps suivi la route des Misérables, on peut en parler. Vous étiez directeur musical de la tournée américaine, du concert du 10e anniversaire, de la version française à Paris en 94 avec notamment Jérôme Pradon. C'est une bonne école, les Misérables? Oui, oui, c'est une parfaite école pour moi. Mais suivi la route des Misérables, ça me frappe un peu. Je ne suis plus misérable. Qu'est-ce que ça vous a appris? La direction, pour les chefs d'orchestre, on n'est pas formé qu'à l'âge de 45 ans, 50 ans. Et pour se former, il faut beaucoup d'expérience. C'est un travail qu'il faut faire beaucoup avant d'être bon, je crois. Et créer une comédie musicale comme vous l'avez fait avec Andrew Lloyd Webber, c'était Love Never Dies, il y a 5 ans. C'est encore autre chose, hein, comme oui, travail. Là. Oui, je l'ai adoré. C'est la sequel. La suite du Fantôme de l'Opéra. La suite de Fantôme de l'Opéra, oui. Ça n'a pas beaucoup réussi, mais j'ai beaucoup aimé la partition et les orchestrations. Vous connaissez par cœur Kiss Me Kate. Dites aux auditeurs, quel est le meilleur enregistrement qu'il faut écouter si on veut se préparer à aller voir le spectacle au Châtelet? L'original de 1948, absolument. Ah oui. Oui. Vous dirigerez la partition par cœur, vous la connaissez par cœur, ou vous l'aurez devant vous au Châtelet? Il faut avoir devant soi, parce que si quelque chose arrive sur scène qui n'est pas attendu, il faut être préparé. Mais vous la connaissez par cœur, non? Oui, oui, oui, oui. Merci beaucoup, David Charles Abel. Ah, c'était mon plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Bonne répétition, et on viendra vous voir à partir du 3 février pour 10 représentations. C'est Kiss Me Kate de Cole Porter au Théâtre du Châtelet. La semaine prochaine, nous aurons la chance de recevoir pour un concert privé les 4 acteurs principaux. Un concert que nous enregistrerons jeudi soir à 19h même ici à Radio France et diffusé donc dimanche prochain à 11h sur la 42e rue. Juste un mot, mais j'en reparlerai dans quelques semaines. L'actualité, c'est deux autres comédies musicales, Les Instants Volés, à Paris au 20e théâtre, et puis un coup de cœur pour Madiba, une comédie musicale autour du combat de Nelson Mandela. C'est possible, c'est au théâtre Comédia. Plus d'informations pour tout cela, le podcast, les références des morceaux diffusés, bien sûr, rendez-vous sur francemusique.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec ce matin, merci à Mathieu Tourin, Sophie Salio-Marie, Annick Champagne et à la réalisation, à Fabien Fleurat. Rideau.